Recueillie par le jeune pasteur St. John Rivers et ses deux sœurs, Diana et Mary, Jane vit quelques semaines à Moor House, en attendant de trouver un nouvel emploi. Gardant le secret sur son histoire et son identité, elle réussit tout de même à gagner la confiance de St. John, qui lui obtient un poste d'institutrice dans une école pour filles du village. Elle s'installe à Morton et, malgré sa tristesse, trouve du réconfort dans la tâche qui lui est assignée auprès des jeunes villageoises. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. 9e épisode. Mauvaise nouvelle ? Est-il arrivé quelque chose ? Non. Comme vous êtes vite alarmé. Mais souillez votre plancher, mais il faut m'excuser pour une fois. Oh, j'ai eu du mal à arriver jusqu'ici, je vous assure. J'ai eu de la neige jusqu'à la taille. Heureusement, elle est encore tout à fait molle. Mais pourquoi êtes-vous venu ? Voilà une question hospitalière. Je suis venu causer avec vous. Je suis fatigué de mes livres muets et de mes pièces vides. Et puis hier, on m'a raconté l'histoire d'une personne. Mais qu'à moitié. Et j'aimerais entendre la suite. Rapprochez-vous. Je vais vous raconter cette histoire. Il y a 20 ans, un pauvre pasteur tomba amoureux de la fille d'un homme fort riche. Elle l'aimait aussi, et ils s'épousèrent malgré l'avis de leurs parents qui désavouèrent la jeune femme aussitôt après le mariage. Avant 2 ans, le couple inconsidéré était mort et reposait sous la même pierre. Mrs. Reed, de Gateshead. Vous tressaillez ? Avez-vous entendu quelque chose ? Mrs. Reed adopta la petite fille qu'ils avaient laissée. Elle resta 10 ans chez elle. Je ne sais si elle y était heureuse, car on ne me l'a jamais dit. Mais ensuite, elle fut transférée dans un endroit que vous connaissez, car il s'agit de l'école de Lowood. Il semble que sa carrière fut des plus honorables. D'élève, elle devint professeure. Comme vous. Puis elle partit pour remplir un poste de gouvernante. Ici encore, vos destinées sont analogues. Elle entreprit l'éducation de la pupille d'un certain Mr. Rochester. Mr. Rivers. Je devine vos sentiments, mais contenez-les encore un moment, j'ai presque fini. Je ne sais rien de Mr. Rochester. Juste qu'il prétendit faire à cette jeune fille une offre honorable de mariage et que ce n'est qu'à l'hôtel qu'elle découvrit qu'il avait déjà une femme, qui était folle. Ce que furent sa conduite et ses intentions ne sont que conjectures. Mais un événement se produisit qui fit que l'on rechercha la gouvernante. On découvrit qu'elle était partie. Personne ne savait où, quand ni comment elle avait quitté Thornfield Hall. Toute recherche fut vaine. Cependant, il devenait urgent de la retrouver. On mit des annonces dans tous les journaux. Je reçus moi-même une lettre d'un Mr. Briggs, me communiquant les détails que je viens de vous donner. N'est-ce point une étrange histoire ? Dites-moi une seule chose. Qu'est devenu Mr. Rochester ? Où est-il ? Que fait-il ? Se porte-t-il bien ? Je ne sais rien de plus en ce qui concerne Mr. Rochester. Vous feriez mieux de vous informer du nom de la gouvernante et de la nature de l'événement qui nécessite sa présence. Mais on lui a écrit. Qu'a-t-il dit ? Mr. Briggs dit que la réponse ne venait pas de Mr. Rochester, mais d'une dame. Elle était signée Alice Fairfax. Mr. Rochester a l'air d'un homme peu recommandable. Vous ne le connaissez pas. Ne le jugez pas. Très bien. Puisque vous ne voulez pas demander le nom de la gouvernante, je vais vous le dire moi-même. Jane Eyre. Briggs m'avait parlé d'une Jane Eyre. Les annonces cherchaient une Jane Eyre. Je connaissais une Jane Elliott. J'avoue avoir eu des soupçons, mais ce n'est qu'hier après-midi qu'ils se sont changés en certitude. Vous renoncez à votre pseudonyme ? Oui, mais où est Mr. Briggs ? Il en saurait peut-être plus long que vous sur Mr. Rochester. Briggs est à Londres. Je doute fort qu'il sache quelque chose de Mr. Rochester. Ce n'est pas lui qui l'intéresse. Vous ne demandez pas pourquoi Mr. Briggs vous recherche ? Eh bien, que veut-il ? Simplement vous informer du décès de votre oncle, Mr. Eyre, de Madère. Il vous a laissé tous ses biens et vous êtes riche. Voilà ce que je suis venu vous dire. Simplement ceci et rien de plus. Moi, riche ? Oui. une véritable héritière. Bien entendu, il vous faudra prouver votre identité, ce qui n'offrira aucune difficulté. Vous serez mise alors en jouissance immédiate de votre fortune. Briggs est en possession du testament et des documents requis. Eh bien, peut-être allez-vous me demander à combien s'élève votre fortune ? Combien ? Au moins que rien. Inutile d'en parler. 20 000 livres, je crois. Mais qu'est-ce que cela ? 20 000 livres ? Eh bien, si vous aviez commis un meurtre et que je vous dise que votre crime était découvert, vous n'auriez pas l'air plus consterné ? C'est une grosse somme. Ne croyez-vous pas qu'il y ait une erreur ? Aucune erreur. S'il ne faisait pas un temps aussi épouvantable, j'enverrais Anna vous tenir compagnie. Vous avez l'air trop désespérée pour rester seule. Mais Anna, pauvre femme, ne pourrait pas résister à la tempête comme moi. Aussi suis-je obligé de vous laisser à vos chagrins. Bonsoir. Attendez un instant. Je me demande pourquoi Mr. Briggs vous a écrit à propos de moi. Comment il pouvait s'imaginer que, vivant dans un endroit aussi isolé, vous pouviez l'aider à me retrouver ? Le clergé est souvent consulté pour ces choses-là. Non, cette réponse ne me satisfait pas. C'est bien étrange. Je veux en savoir plus. Une autre fois ? Non, ce soir, ce soir ! Vous ne partirez certainement pas sans m'avoir tout dit. Mais je vous ai dit que je suis un homme dur, difficile à persuader. Et je suis une femme tenace dont on ne peut se débarrasser. Bien. Je cède à votre persévérance. De plus, il faudra bien que vous l'appreniez un jour ou l'autre. Votre nom est bien Jane Eyre. J'en ai déjà convenu. Vous ne savez peut-être pas que je le porte aussi. J'ai été baptisé Saint John Eyre Rivers. Ma mère s'appelait Eyre. Elle avait 2 frères. L'un d'eux était le clergyman qui épousa Miss Jane Reed de Gateshead. L'autre, John Eyre, négociant à Funchal, dans l'île de Madère. Il y a quelques semaines, Mr. Briggs m'a écrit pour me dire que l'héritière de notre oncle John était perdue, et pour me demander si je savais quelque chose d'elle. Laissez-moi un moment pour réfléchir. Votre mère était la sœur de mon père. Oui. Mon oncle John était votre oncle John. Vous, Diana et Mary sont les enfants de sa sœur, comme je suis l'enfant de son frère. Vous êtes tous les 3 mes cousins, et la moitié de notre sang vient de la même source. Nous sommes cousins, oui. Oh, je suis heureuse. Je suis heureuse. Vous étiez sérieuse quand je vous ai dit que vous aviez une fortune, et maintenant, pour une chose insignifiante, vous voilà excitée. Que voulez-vous dire ? C'est peut-être insignifiant pour vous, car vous avez déjà 2 sœurs, mais pour moi qui n'avais personne, avoir 3 parents, ou 2 si vous ne voulez pas vous compter... Oh, je répète, je suis heureuse. Écrivez demain à Diana et Mary et priez-les de venir immédiatement à la maison. Oh, Diana disait qu'elles se considéreraient riches chacune avec 1 000 livres, de sorte qu'avec 5 000, elles s'en tireront très bien. Dites-moi où je peux vous procurer un verre d'eau. Il faut vous remettre. Laissez donc. Mr. Rivers, c'est vous qui affectez de ne pas me comprendre. Peut-être que si vous vous expliquiez... Expliquez ? Vous pouvez voir vous-même que 20 000 livres, la somme en question... divisé à part égale entre le neveu et les 3 nièces de notre oncle, donnera 5 000 livres à chacun. Ce que je veux, c'est que vous écriviez à vos sœurs pour les informer de la fortune qui leur est échue. Qui vous a échue ? Je viens de vous exprimer ma conception de l'affaire. Je ne suis ni égoïste, ni injuste, ni ingrate à ce point. Cela me sera un plaisir et un bienfait d'avoir 5 000 livres. Ce me serait un tourment d'en avoir 20 000. Je vous abandonne donc ce qui m'est superflu. Qu'il n'y ait ni opposition, ni discussion là-dessus. C'est là agir sur une première impulsion. Vous pensez ainsi à présent parce que vous ne savez pas ce que c'est de posséder. Vous ne pouvez pas vous former une opinion sur l'importance que 20 000 livres vous donneraient, de la place que vous prendriez dans la société, des perspectives qui vous seraient ouvertes. Et vous ne pouvez pas du tout comprendre le besoin que j'éprouve de posséder une affection fraternelle. Êtes-vous disposée à me repousser ? Jane, je serai votre frère. Mes sœurs seront vos sœurs, sans ce sacrifice de vos justes droits. Frère, oui, à la distance de 1 000 lieues. Moi, riche, gorgée d'un or que je n'ai pas gagné et que je ne mérite pas. Vous, sans rien. Fameuse égalité, belle fraternité, Union admirable. Mais Jane, vos aspirations envers la famille peuvent se réaliser par d'autres moyens que ceux que vous envisagez. Vous pouvez vous marier. Bêtise. Me marier. Je ne veux pas me marier et ne me marierai jamais. Une affirmation aussi hasardeuse est preuve de votre agitation. Ce n'est pas trop m'avancer. Je sais ce que je ressens et combien mon inclination est opposée à la seule idée du mariage. Personne ne me prendrait par amour et je ne veux pas me prêter à une spéculation. Et encore, je ne veux pas d'un étranger. Je veux les miens. Répétez que vous voulez bien être mon frère. Lorsque vous prononcez ces paroles, je suis satisfaite et heureuse. Répétez-les. Je sens que je peux facilement vous faire place dans mon cœur comme une troisième et plus jeune sœur. Merci. Cela me suffit pour ce soir. Maintenant, vous feriez mieux de vous en aller. Car si vous restez encore, vous allez peut-être m'irriter de nouveau par quelques scrupules. Et l'école, Miss R, il faut la fermer, je suppose. Non. Je garderai mon poste jusqu'à ce que vous m'ayez trouvé une remplaçante. Bien. Bonsoir. Noël approchait quand tout fut réglé. Je fermais l'école, en ayant soin que l'adieu fût accompagné de quelques douceurs. La bonne fortune ouvre les mains aussi bien que le cœur. J'emménageais à Moor House avec Diana, Mary, Anna et St. John. Nous reprîmes nos habitudes paisibles et le cours de nos études. Mary dessinait. Diana poursuivait une sorte de lecture encyclopédique qu'elle avait entreprise à ma grande admiration. Je continuais à apprendre l'allemand. De son côté, St. John s'abîmait à son étude favorite du moment, celle d'une langue orientale dont il estimait la connaissance nécessaire à la réussite de ses plans. Que faites-vous, Jane ? J'apprends l'allemand. Je voudrais que vous laissiez l'allemand et que vous appreniez l'hindoustan. Vous n'êtes pas sérieux ? Si. J'ai besoin d'une élève. À mesure que j'avance dans cet apprentissage, j'oublie le début. J'ai besoin de vous pour fixer ma mémoire. Bien, si cela peut vous aider. Je trouvais en lui un maître très patient, très indulgent, et cependant difficile à contenter. Quand il disait « allez », j'allais, « venez », je venais, « faites ceci », je le faisais, mais je ne chérissais pas ma servitude. Je souhaitais toujours davantage lui plaire, mais pour y parvenir, je sentais plus profondément chaque jour qu'il me fallait retenir mon naturel, étouffer mes facultés et me forcer à poursuivre des choses pour lesquelles je n'avais point de vocation réelle. Il voulait m'entraîner sur des hauteurs où je sentais que je ne pourrais jamais parvenir, et je me brisais dans les efforts que me coûtait cette poursuite impossible. Mais ma tristesse ne venait pas uniquement de son ascendant sur moi. Un mal sourd, comme une bête malsaine, absorbait tout le bonheur épars autour de moi. Au cours de la correspondance qu'il m'avait fallu avoir avec Mr. Briggs à propos du testament, je lui avais demandé s'il avait des nouvelles de Mr. Rochester, mais il ne savait rien. J'écrivis alors à Mrs. Fairfax. Presque 2 mois passèrent sans une réponse. J'écrivis de nouveau. Ma première lettre pouvait s'être perdue. Un nouvel espoir suivit ce nouvel effort et illumina 2 semaines. Puis il pâlit et vacilla. Pas une ligne, pas un mot ne me parvint. Lorsque la moitié d'une année se fut ainsi passée en vaine attente, mon espérance mourut. Et je me sentis bien sombre, en vérité. Arrêtons-nous ici quelques instants. Jane, je pars dans 6 semaines pour les Indes orientales. Dieu vous protégera, car c'est son œuvre que vous entreprenez. Oui, C'est ma gloire et ma joie. Je suis le serviteur d'un maître infaillible. Il me semble étrange que tous ceux qui m'entourent ne brûlent pas de s'enrôler sous la même bannière. Tous n'ont pas vos facultés, et ce serait folie que de souhaiter aux faibles de marcher avec le fort. Je ne parle pas des faibles, mais de ceux qui sont dignes de l'œuvre et capables de l'accomplir. S'ils sont réellement qualifiés pour cette tâche, leur propre cœur ne sera-t-il pas le premier à les en informer ? Et que dit votre cœur ? Mon cœur est muet. Mon cœur est muet. Alors il faut que je parle pour lui. Jane, venez avec moi aux Indes. Venez-y comme compagne de travail. Oh, Saint John, ayez pitié. Dieu et la nature vous ont destinée à être femme de missionnaire. Ils ne vous ont pas donné d'agrément personnel, mais des dons moraux. Vous êtes faite pour le travail, non pour l'amour. Je vous réclame, non pour mon plaisir, mais pour le service de mon souverain. Je n'en suis pas capable. Je n'ai pas la vocation. L'humilité, Jane, est la fondation de toutes les vertus chrétiennes. Et vous faites bien de dire que vous n'en êtes point capable. Qui donc en est capable ? Je ne comprends pas la vie de missionnaire. Vos paroles n'éveillent rien en moi. Aucune voix n'y répond. Oh, comme je voudrais que vous puissiez voir en ce moment dans mon âme. Vous y verriez la crainte de me laisser persuader par vous d'entreprendre quelque chose que je ne pourrais pas accomplir. Jane, vous êtes docile, désintéressée, fidèle, persévérante et courageuse, très douce et très héroïque. Cessez de douter de vous. Je crois en vous. Comme directrice d'une école hindoue, votre aide me serait inappréciable. Je suis prête à aller aux Indes. Mais comme votre sœur, je ne peux pas être votre femme. C'est impossible, puisque vous n'êtes pas ma véritable sœur. Et une femme seule de votre âge ne peut accompagner au-delà des mers un homme du mien. Je le répète, je serai votre vicaire si vous voulez, mais votre femme, jamais. Un vicaire féminin qui ne serait pas ma femme ne me conviendrait pas. Il semble donc que vous ne pouvez venir avec moi. Et si vous êtes sincère, je vais parler à un missionnaire marié dont la femme a besoin d'une aide. Je n'ai pas la moindre obligation d'aller aux Indes. Surtout avec des étrangers. Avec vous, j'aurais peut-être tenté l'aventure, parce que je vous admire, et vous êtes comme un frère pour moi. Mais je suis convaincue que, quelles que soient les conditions, je ne vivrai pas longtemps sous ce climat. De plus, avant de quitter l'Angleterre, je veux savoir pour de bon si je ne peux pas être plus utile en ne la quittant pas. Que voulez-vous dire ? Il y a un point sur lequel j'ai des doutes angoissants depuis longtemps. Et je ne puis aller nulle part jusqu'à ce qu'il ait fait place à une certitude. Je sais de quel côté votre cœur se tourne. L'intérêt qui vous guide est illégal et impie, et vous auriez dû l'étouffer depuis longtemps. Vous pensez à Mr. Rochester ? Allez-vous chercher à le revoir ? Il faut que je sache ce qu'il est devenu. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à prier pour vous et supplier Dieu en toute ferveur de ne pas vous rejeter. J'ai pourtant cru reconnaître en vous une de ses élèves. Mais Dieu ne voit pas comme l'homme. Que sa volonté soit faite. Repentez-vous. Prenez une résolution pendant qu'il est encore temps. Rappelez-vous, il nous faut travailler pendant qu'il est jour, avertis que nous sommes, que la nuit vient pendant laquelle aucun homme ne travaillera. Rappelez-vous que Dieu vous donne la force de choisir cette bonne part qui ne vous sera point ôtée. Pourriez-vous décider maintenant ? Il posa sa main sur ma tête en disant ces paroles. Son regard n'était point, il est vrai, celui d'un amoureux, mais plutôt celui du pasteur appelant sa brebis égarée. Ou mieux, celui d'un ange veillant sur l'âme dont il est responsable. Tous les hommes supérieurs, qu'ils soient sensibles ou non, qu'ils soient zélateurs, aspirants ou despotes, pourvu seulement qu'ils soient sincères, ont leurs moments sublimes, ceux où ils soumettent et règnent. C'est de la vénération que je ressentis alors pour Saint John. Un sentiment si puissant qu'il m'emporta précisément au point que j'avais évité dès le commencement. Je fus tentée de cesser la lutte, de me jeter dans le torrent de sa volonté et de m'y perdre avec lui. Je pourrais me décider si j'étais certaine que c'est la volonté de Dieu que je vous épouse. Alors je pourrais faire le vœu, dès à présent, de vous épouser, advienne que pourra. Mes prières sont exaucées. Je luttais. Je désirais sincèrement, profondément, faire ce qui était bien, et cela seulement. « Montre-moi la voie », criai-je au ciel. J'étais plus agitée que jamais. Mon cœur battait à tout rompre lorsque, soudain, il me parut qu'il s'arrêtait dans ma poitrine. Une sensation inexprimable me parcourait des pieds à la tête. Mes sens en acquirent une activité, une acuité telle qu'il semblait sortir d'une torpeur indicible. Jane ! Jane ! Jane ! Jane ! Qu'avez-vous entendu ? Que voyez-vous ? Oh Dieu, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je viens. Attendez-moi. Attendez-moi. Oh, je viens. Oh, je viens. Où êtes-vous ? J'avais entendu la voix de Mr. Rochester. Laissez-moi. Il m'appelait. J'ai besoin d'être seule. Je m'arrachais à Saint John qui aurait voulu me retenir. Cette fois, c'était à mon tour de montrer mon ascendant. Ma force était là, obéissante. Je lui dis de s'abstenir de toute question, le priai de me laisser. J'avais besoin d'être seule. Il obéit aussitôt. Lorsqu'il y a assez d'énergie pour commander, l'obéissance ne manque jamais. Je retournai dans la maison, montai chez moi et m'y enfermai. Et ayant pris une résolution, je me couchai, sans effroi, attendant impatiemment la lumière du jour. Le lendemain matin, je trouvai un mot de Saint John glissé sous ma porte. Vous m'avez quitté trop soudainement cette nuit. Si vous étiez resté un peu plus longtemps, vous auriez mis la main sur la croix chrétienne et sur la couronne des anges. J'attends votre libre décision pour mon retour dans 2 semaines. Pendant ce temps, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit, j'en suis persuadée, est prêt, mais la chair, je le vois, est faible. Je prierai pour vous à toute heure. À vous, Saint John. Mes préparatifs furent vite faits, car je ne fus arrêtée par aucune question, aucun empêchement. Une fois que j'eus expliqué mes projets, mes cousines gardèrent un silence affectueux, m'accordant la même liberté que je leur aurais accordée dans des circonstances semblables. Je quittai Moorhouse à 3 heures de l'après-midi, et peu après 4 heures, je me tenais au pied du poteau de Whitcross, attendant la diligence qui devait me conduire à ce lointain Thornfield. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. 9e épisode. Avec Julie-Marie Parmentier, Jane, Guillaume Marquet, Saint John, Léonie Pinjot, Diana, Delphine Cognard, Mary, Eric Herson-Macarel, Mr. Rochester. Et les voix de Sophie Doll et Manon Jusforgue. Bruitage, Patrick Martinache, assisté d'Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Musique originale, Denis Chouillet et le quatuor à cordes Cactus. Équipe de réalisation, Claude Niort, Manon Houssin, Vivien Demeyer, Juliette Eman.